donnez-moi la clé, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Pourquoi la porte est-elle toujours bouclée? Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. N'attendez pas que je sois décédé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. La belle vie, faut pas nous l'enterrer. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. La clé, la clé, la clé, la clé. La clé, je l'ai cherchée partout, partout. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Même sous mon paillasson quand j'étais sous. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Tant cherché que j'en suis devenu fou. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Fou, c'est normal que je m'adresse à vous. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. La clé, la clé, la clé, la clé. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un saint, mais dites-moi qui il est. Je ne suis pas tout encre, je ne suis pas tout encre, vous n'êtes pas tout lait. Si vous l'êtes, lancez-moi la première pierre. Saint-Pierre, jetez-moi la pierre. Ou bien donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. La clé, la clé. La clé en anglais, ça se dit the key. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Et le baiser se traduit par the kiss. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. De la vérité serait-ce l'esquisse. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Est-ce que la clé du monde est un baiser? Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. La clé.